de français. Copyright Clé Internationale 2003. Unité 1. Leçon 2, page 10. Des amis viennent me voir au Pérou. Ça faisait pas très longtemps que j'y étais. Ça faisait un peu plus d'un an. Et ils me demandent de leur prêter la voiture. Je dis bien sûr, d'accord. Moi, de toute façon, comme je travaillais, j'en avais pas un besoin extraordinaire. Il y a toujours des copains qui acceptent de trimballer en voiture. Donc, ils partent avec ma voiture, et en rentrant sur Lima, à 4000 mètres d'altitude, ils entendent un gros bruit. Boum ! Et figure-toi que le moteur de la voiture était tombé sur la route. Un des supports du moteur avait claqué, et donc le moteur avait basculé, et il était sur la route. Naturellement, qu'aucun des trois compères ne parlait l'espagnol. Ils sont allés dans un petit village qu'on appelle Puquio, et là, pas de chance, quand ils arrivent, le garagiste était en prison, pour ivresse.